séduisance de tous ceux qui se lamentent pour ne plus croire aux merveilles et sans cesse ne parler des déboires. Les trésors de l'humour et mes pensées forcément qu'il vaut mieux être un penseur. Alors oublie forcément d'avoir l'esprit la joie devient un mystère. Elle est bientôt distante, puisqu'on ne fait que parler des déboires de l'amour. Satire ridiculise nos chagrins, on les déguste comme des vampires pour s'en repaître le lendemain. Mais bien sûr, ils nous attirent car on mais en vain, et la joie devient un mystère. Elle est bientôt distante, puisqu'on ne